Ce vendredi, à la vie en BD, des régionalismes dessinés, les 10 ans de Francfroid et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour jaser bande dessinée. Et cette semaine, deux éléments qu'on mettra de l'avant. Un premier qui nous amènera du côté de la Maison de la littérature, puisque très bientôt, là, pratiquement la semaine prochaine, on aura droit à un spectacle dessiné initié par les artisans de la Shop à Bulles en collaboration avec Fabien Cloutier. Donc l'idée d'illustrer ces régionalismes. Alors vous les avez peut-être entendus sur d'autres chaînes, en fait, Radio-Canada. L'émission Plus on est fou, plus on lit, si je ne me trompe pas. Également, il y a eu une édition papier. Alors, on verra maintenant qu'est-ce que ça donne sur scène. Ça a jamais été porté sur scène. Et ce sera également une première expérience dessinée, si on peut dire, pour Fabien Cloutier. Alors, on en parlera avec deux des dessinateurs de ce projet, donc Jeff et Richard Valran, tout à l'heure. Et il faut dire que, de mon côté, la Maison de littérature occupe une belle place, notamment cette semaine, puisque tout de suite après l'émission, je vous le mentionne en passant, là, mais je courrai presque me rendre vers cette institution du Vieux-Québec pour y présenter une joute contée et dessinée qui aura lieu ce soir à partir de 20h avec un conteur, deux dessinateurs, un musicien. On verra vers où ça nous mènera, mais si vous cherchez quelque chose à faire ce vendredi, il y a cette option également. Sinon, en deuxième moitié d'émission, on va porter un regard sur les 10 ans de Francfroid. Alors, une maison d'édition qui a eu des débuts, j'aurais envie de dire des humbles débuts peut-être, mais qui a grandi quand même passablement au fil des années avec des animations qui sont rajoutées, des recueils qui ont initié un peu les choses, mais qui peu à peu, en fait, ajouter également un volet édition à son offre. Alors, on avait envie de revenir sur les 10 ans de cette organisation-là. En amont également des activités qu'ils vont proposer pour cet anniversaire du côté du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et prendre des nouvelles aussi. Question de voir où ils s'en vont. Alors, ils seront avec nous. En fait, Julien Paris-Sorel, l'un des initiateurs de cet organisme, sera avec nous en deuxième moitié d'émission. Alors, c'est le menu pour cette semaine à La Vie en BD. Et comme à l'habitude, on débute l'émission avec quelques regards sur l'actualité dans la sphère de la bande dessinée, et notamment information qui a été transmise du côté du Festival de la bande dessinée francophone de Québec concernant ses 30e BDIS Causa. Alors, des prix qui visent à souligner ce qui se fait de meilleur, ce qui se fait de mieux en matière de BD, particulièrement celle créée par les auteurs d'ici. C'est la mission que s'est donné cet organisme, se sont donné ces prix. Elle aura remise donc le 7 avril à 19h dans le cadre du festival. Et un jury donc formé à la fois de libraires indépendants, de chroniqueurs BD, d'acteurs du milieu littéraire de la capitale, donc qui se sont rencontrés, qui ont échangé après avoir lu la totalité des productions québécoises de l'année, donc pour essayer d'aller chercher les titres qui les ont plus particulièrement touchés, happés, intéressés, stimulés. Donc bref, insérer le qualificatif favorable de votre choix. Donc dans le contexte de trois grandes catégories là qui récompensent exclusivement la bande dessinée québécoise. Alors, je vous fais la liste rapidement des nominations, des finalistes en fait. Alors, on parle du Grand Prix de la Ville de Québec. Alors ça, c'est remis au meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens. Alors, on parle donc de 5 finalistes pour cette catégorie. Il s'agit des Premiers Aviateurs de Francis Dernay et Alexandre Fontaine-Rousseau chez Pow Pow, du Retour de l'Iroquois de Louis Rémillard chez Trip, de La Femme aux Cartes Postales de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement du côté de La Pastèque, de Nunavik de Michel Hellman chez Pow Pow, et enfin de Louis parmi les Spectres de Fanny Britt et Isabelle Arsenault également à La Pastèque. Autre prix, le prix Réal Filion, qui lui est remis à un auteur canadien, scénariste ou dessinateur, qui s'est le plus illustré avec son premier album francophone professionnel. Alors, on parle de trois finalistes de ce côté. Ramure, de Belle Brute, chez Bayard. Les Trois Carrés de Chocolat, de Mélodie Vachon-Boucher, chez Mécanique Générale. Et enfin, Le Bouddha Brisé, chapitre 1, de SB, chez Berber 1313. Et dernier prix, 100% Québec, c'est le prix Albéric Bourgeois, qui reconnaît le meilleur album de langue française publié à l'étranger par un auteur canadien, donc dessinateur ou scénariste. Alors, les trois finalistes cette année, c'est S'enfuir de Guy Delisle chez Dargo, Les neuf derniers mois de ta vie de petit con de Cookie Calcaire aux arènes et Café Zumbo dans la série Mickey Mouse vu par de Régis Loisel, c'est chez Glénat. Et d'ailleurs, en fait, si vous suivez l'émission régulièrement, bon, on a eu, je pense, l'occasion de parler de la vaste majorité de ces titres-là. Alors, si jamais l'envie vous prend d'explorer un peu plus à fond le regard de l'auteur sur son œuvre, eh bien, vous allez faire un tour sur la vie en bd.wordpress.com. Il y a déjà plusieurs entrevues en balado-diffusion et normalement cette semaine, ben, la balance des balado-diffusion des dernières semaines sera mise en ligne. Et sinon, tournez également des prix donnés aux albums non canadiens, en fait. Donc, deux catégories. L'une qui reconnaît l'excellence d'albums francophones. Il s'agit de coup de cœur du jury dans ce cas-ci. Alors, pour le prix, donc, Maurice Petit-Didier, on parle des Brumes de Sapa de Lolita Séchant chez Delcourt, de L'été diabolique de Thierry Smolderen et Alexandre Cléris chez Dargo, et de L'homme qui tua Lucky Luke de Mathieu Bonhomme également chez Dargo. Et un dernier prix, prix traduction, qui lui souligne la qualité d'un album publié en français qui est issu d'une traduction. Alors, les finalistes, c'est La Loterie de Shirley Jackson et Miles Hyman chez Castel, de Police Lunaire de Tom Gold chez Alto et enfin de Nemo tome 1 de Jason Shinga chez Kambourakis. Je mentionne également que lors de la cérémonie du 7 avril, l'organisation du festival va remettre également le prix Albert Chartier, décerné à chaque année en hommage à un individu ou organisme ayant marqué le monde de la bande dessinée francophone au Québec. Et de plus, le festival va décerner pour une deuxième année le prix Jacques Urtubise, visant à favoriser la nouvelle création et les auteurs émergents au Québec. Et avant de passer en musique et aux entrevues, mention également, puisque Libellis Causa n'était pas les seuls prix dont les nominations ont été annoncées cette semaine, il y a également le prix Marc-Olivier Lavertu 2017, prix qui est décerné, qui est sélectionné par les étudiants de l'École multidisciplinaire de l'image du côté de l'Université du Québec en Outaouais. Alors, eux sélectionnent donc trois bandes dessinées. C'est un comité d'étudiants et d'étudiantes qui sélectionne trois albums et ensuite l'ensemble des étudiants inscrits au programme de bandes dessinées à l'EMI peuvent voter pour choisir leur album favori. Alors, les trois finalistes en ordre alphabétique, c'est White Horse, première partie de Samuel Quentin, Nunavik de Michel Hellman, donc deux albums chez Pow Pow, et enfin Paul dans le Nord de Michel Rabagliati du côté des éditions La Pastèque. Alors voilà pour ce survol de finalistes, et maintenant on se lance en musique. La formation qui nous accompagne cette semaine, c'est Glitch Dealers avec la trame sonore de Armored Gears. Et voilà donc Armored Gears, trame sonore qui nous accompagnera au fil de l'émission de cette semaine. Et maintenant, on porte notre regard vers un événement qui s'en vient très prochainement, en fait 1er et 2 mars. C'est du côté de la Maison de la littérature, une initiative de la gang de la Chope à Bulle. Et ça s'appelle les Régionalismes, donc en version dessinée, pour nous en jaser, deux des dessinateurs qui participent au projet, donc deux des dessinateurs de la Chope à Bulle également, donc l'atelier BD qui est à la Maison de la littérature, je vous le rappelle. Alors JF, Richard Valran, bonjour à vous deux. Salut Raymond. Alors, vous aviez, en fait, pour le contexte, c'est un peu dans lien justement avec votre présence à la Maison de la littérature comme atelier, vous aviez pour mandat d'organiser certaines activités, certains événements en lien avec la BD. Il y a les clubs de lecture 4x4 dont on parle régulièrement ici à l'émission, mm-hmm. et vous deviez aussi produire un spectacle. Ouais, exactement. En fait, à la base, c'était Paul qui justement qui avait un contact avec Fabien Cloutier, puis qui nous avait proposé ça. Il avait dit, ah, on pourrait faire un show avec lui, avec Fabien. J'ai un contact avec lui, tout ça. Puis on s'était dit, bon, pourquoi pas. On l'a proposé à Maison de littérature dès la première année où est-ce qu'on est, on a investi les lieux. Puis la Maison de littérature nous avait dit, ok, pour ce spectacle-là, on pourrait peut-être penser à l'année prochaine, donc pas tout de suite. Et puis ça nous a permis justement, ça nous a donné le temps de préparer nos choses, puis de bien planifier finalement ce spectacle. Et Fabien Cloutier, en fait, il y a plusieurs textes qui existent de lui, des pièces de théâtre de type conte, conte urbain un peu, Scott Stand par exemple ou d'autres. Mais le choix du texte que vous avez préconisé, vous et Fabien, c'est les régionalismes. Alors pourquoi avoir choisi ces textes-là, ces chroniques radio au départ-là, et pour les porter pour une première fois vers la scène? Ouais, mais en fait, moi, c'est de même que je l'ai connu en premier. C'est avec ces textes-là, à Plus on est fou, plus on lit, que j'ai découvert Fabien Cloutier. Puis, on se disait que c'était une belle façon de... En fait, il y avait beaucoup de... Le fait que ce soit des courts textes comme ça nous permettait vraiment de plus nous éclater au niveau visuellement, d'avoir différentes propositions, là. Puis, étant donné qu'on est trois sur scène, donc de pouvoir choisir des textes selon chacun nos intérêts, là. Ouais. Et en même temps, c'est parce que c'est des chroniques qui sont très punchées, c'est des chroniques qui descendent rapidement, là. Il y a beaucoup, beaucoup de stock, beaucoup de matériel. Donc, nous autres, ça fallait qu'on fasse quelque chose, un spectacle qui soit aussi dynamique. Donc, ça demandait de s'organiser pour que chaque chronique soit bien remplie au niveau visuel, là. Et puis pour le spectacle lui-même, en fait, on prend pas évidemment toutes les chroniques. On a choisi quoi à peu près? Six? Six chroniques. Donc deux par dessinateur. Exact, c'est ça. Et est-ce que vous avez eu l'option justement de choisir, vous disiez, trouver des textes qui nous ressemblent, donc vous avez été pigé dans le répertoire, vous avez dit à Fabien, OK, moi c'est celui-là, moi... Ben, tu sais, la manière que ça s'est passé, Fabien, il est rendu très, très populaire tout d'un coup. Il l'était déjà, là, mais je veux dire, c'est drôle parce que quand on a commencé à y parler de ça, il émergeait, on peut dire, là, tu sais, puis il était toujours à Québec. À ce moment-là. Là, depuis ce temps-là, il a déménagé à Montréal, il a fait des spectacles d'humour, il est impliqué dans plein d'affaires. Là, fait qu'il nous a dit, ben écoute, choisissez les textes. Il nous a vraiment laissé libre. Puis, c'est vraiment une lecture pour lui. C'est ça, parce que dans le fond, tout ça, c'est tiré de son livre Trouve-toi une vie, qui est aux éditions Luxe. Mm-hmm. Et puis, donc finalement, on avait accès à une dizaine de chroniques comme ça par le livre. Puis on a choisi, on a pigé dans le tas, comme on dit. Puis, oui. Mais en même temps, c'est ça, on a pris celles qui nous parlaient le plus, là, celles qui finalement, on sait que ça va être des chroniques qui sont pas, des fois qui sont pas actuelles, tu sais, on parle souvent de politique dans ces chroniques-là, donc il y a des choses qui sont nécessairement du passé, ce qui fait que ça va être un peu comme, il va falloir qu'il y ait, en tout cas dans les spectateurs, il va falloir que les gens comprennent que c'est une remise en situation selon une certaine époque. C'est fou, hein, parce que ça a peut-être 2-3 ans, ouais, pas plus. Puis déjà, la politique a beaucoup changé, tu sais, fait que ça va devenir comme un objet anthropologique, là, d'une autre époque, mais c'est toujours aussi drôle en même temps. Ouais, t'sais. C'est ça, exact. Et qu'est-ce qui vous a guidé un peu dans ce choix-là? Qu'est-ce qui faisait que, par exemple, pour Richard Valran, tel texte, c'était peut-être plus un coup de cœur, ou pour JF, pour prendre vos deux exemples? De la manière qu'on a procédé, hein, on s'est fait une couple de rencontres à trois, là, avec Paul, puis on les a lus ensemble, puis là, on s'est mis à brainstormer, puis tout de suite, il y en a où c'était clair que, par exemple, Jeff, il y avait plus d'idées par rapport à une chronique par rapport à l'autre. Ça s'est fait naturellement, là. Ouais, comme ça. Dans le fond, on voyait rapidement, OK, celui-là, j'ai des idées, j'ai envie de me lancer instinctivement presque. Oui, exactement, parce que dans le fond, tu sais, Fabien Cloutier, quand il fait ses chroniques, il part dans toutes les directions. Hein. Ouais, c'est fou. Même s'il part d'un régionalisme, il va vraiment. Puis extrapole complètement, là, il invente des parenthèses sur plein de choses, donc ça devient un petit peu. C'est très politique aussi sur la plupart de ces sujets, mais en même temps, c'est ça, c'est des coups d'humeur, des coups de cœur. Très mordant. Ouais. Et justement, je me disais, en fait, parce qu'en regard de ces textes-là, il y a un peu un double défi pour moi, parce que d'un côté, c'est des textes qui ont été pensés d'abord pour la radio, donc avec aucun élément visuel, aucune mise en scène, la voix devait suffire pour porter l'esprit de cette chronique-là. Alors là, maintenant, on se retrouve avec une lecture, donc il y a quand même une notion de prestance, une présence de Fabien qui va être sur place, qui va la lire, donc ça va déjà donner une autre teneur au texte, et en plus, on rajoute donc l'écran, le dessin, la geste, le trait, le... Ouais, en fait, nous, le grand défi, c'était pas d'illustrer exactement tout ce qu'il va dire. C'était de finalement de complémenter. puis de créer comme des fois des univers parallèles à ce que au propos que Fabien va dire sur la scène. Donc on est des fois on se colle, des fois on se détache un peu, mais on reste toujours dans le même esprit. Puis c'était aussi d'être aussi foisonnant que lui dans son texte, vu qu'il est très très punché, puis il laisse aucun espace vide là, il laisse pas de silence dans ses chroniques. Fait que nous fallait qu'on développe quelque chose qui soit aussi ce qui est intéressant chargé. Aussi, c'est que on a la possibilité de travailler avec un metteur en scène là-dessus, qui est Marie-Hélène Gendreau. Puis ça, c'est le fun. Ben, premièrement, ça nous permet d'avoir un point de vue de fille par rapport à ça. Puis aussi, ben, c'est le fun d'avoir un musicien aussi, millimétrique, qui va être là-dessus. Ouais. Puis ben, le fait qu'il y ait une mise en scène, ça nous permet aussi justement de pousser un petit peu plus loin, puis justement de pas trop se coller au texte, mais de doser, là, tu sais, de trouver le bon équilibre, puis d'avoir un regard extérieur comme ça, c'est vraiment le fun. Et j'imagine même au niveau de la mise en scène, ça doit être particulier dans un contexte où on met en scène un dessin. En fait, c'est... Oui, puis en même temps, on n'a pas une très, très grande scène. Là. C'est la maison, c'est la maison de littérature. Hein, c'est fait que ça va être... Comment ça se passe un peu justement le travail? Est-ce que dans le fond, vous proposez déjà un peu une trame, il y a un storyboard, après ça la mise en scène voit un peu, parce qu'il y a un côté rythme, il y a un côté punch, moment où on amène le dessin, le moment où on complète un dessin, où qu'est-ce qu'on développe, etc. Ça c'est un peu, on a chacun développé notre rythme, on a chacun développé qu'est-ce qu'on allait mettre en image. Puis là, après, ça va être justement à Marie-Hélène de tout agencer ça pour de voir ce qui marche, ou tu sais, jouer un petit peu avec le rythme aussi là, parce que aussi tu sais, un peu le défi, c'est de pas trop en mettre pour pas venir noyer le poisson, parce que déjà ça marche super bien ces textes là fait mais de rajouter quelque chose, de pousser un petit peu plus loin, peut-être de réactualiser les choses aussi. Donc, c'est un petit peu ça le défi, là. Et en fait, si on fait le parallèle, en fait, on se rapproche plus, dans le fond, d'une lecture dessinée, donc avec, justement, storyboard travail un peu plus à l'ordinateur, ou on se donne un peu de liberté? Ça va être à l'ordinateur, parce qu'on pouvait pas se permettre de dessiner sur papier, live, comme ça. On aurait c'est un choix qu'on a fait. C'est juste que ça se rapproche plus de ce que vous faites aussi en atelier. Parce que les trois stars, on travaille beaucoup. C'est ça. Puis dans le fond, c'était d'être au même rythme que lui, tu sais, d'être au même rythme que Fabien Cloutier sur son texte. Donc, on fallait qu'on ait un support numérique pour nous permettre d'aller plus rapidement, d'être plus punché. Est-ce qu'il y a déjà des éléments qu'on prépare à l'avance? C'est simplement d'exécuter? Non, il va avoir pas mal de choses de préparer à l'avance. Pour suivre le rythme encore là. Ben, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais il y a des choses qu'on va dessiner. Il y a des choses qui vont être dessinées. Mais c'est le choix, là. C'est justement là qu'on... Puis aussi, il y a des éléments, comme justement dans Photoshop, on a trouvé des moyens de faire des espèces d'effets spéciaux. D'animation. Donc, ça nous permet d'expérimenter ça aussi, avec Photoshop, avec les layers, avec les caches. Donc, ça, c'est bien plaisant. C'est un peu, en fait, l'aspect informatique dans pas mal de spectacles qui ont été montés à Québec. En fait, ça a été pour l'instant un peu laissé de côté. Alors, ça permet un peu d'explorer ce médium-là dans un contexte de live, voir un peu comment on se positionne avec l'appareil informatique. Nous, on n'est pas dans un principe de performance. Mm-hmm. La vraie performance, c'est Fabien Cloutier. Ouais. C'est lui qui est sur scène. Les gens se déplacent pour aller le voir, pour l'entendre. Ouais. Nous, on est là pour apporter une espèce de d'éléments supplémentaires de complémentarité à sa performance à lui. Oui, dans le fond, c'est trouver une façon de mettre en valeur son propos. C'est ça. Dans le fond, d'être suffisamment présent quand même pour pas non plus faire du décor. Donc, c'est ça, un peu trouver l'équilibre entre les deux. Exact. On va puncher comme lui punch, peut-être moins souvent, mais il va avoir du visuel qui je pense que les gens vont apprécier. Là. Et dans le fond, comme vous avez chacun vos textes avec les éléments visuels que vous préparez, est-ce qu'il y a un peu aussi une petite compétition entre les trois gars de la chope, comme on dit? Pas vraiment. Non. En fait, pour l'instant, j'ai nos trucs, puis tu sais, ben je pense qu'on est pour nous trois, je pense que c'est vraiment une expérience là, une expérimentation. On essaye tous on veut tous que le spectacle soit bon. Ouais, en fait, qu'on fait notre mieux. Puis puis tu sais, en même temps, on est conscient, on est quand même assez humble là-dedans, dans la mesure où on sait que tu sais, Fabien Cloutier, c'est la vedette, ouais, là, c'est puis c'est son texte. Puis dans le fond, on veut pas non plus trop dénaturer ça. C'est vraiment. Mais je pense qu'il y a le fun là-dedans, c'est pour la metteur en scène, pour Fabien, pour nous. nous autres. C'est comme de rassembler des univers qui se côtoient pas nécessairement. Ouais, le dessin, le théâtre, l'humour. C'est ça qui est vraiment excitant là-dedans, c'est qu'on essaye des choses un petit peu dans la même veine des autres expériences qui ont lieu avec Parenthèse 9, par exemple. Ouais, mais ça nous permet d'essayer des choses dans cette veine-là. Et dans ce contexte-là, comment aussi, est-ce que déjà pour l'instant, vous avez partagé un peu le visuel, les éléments, les routes, les pistes avec vers lesquelles vous avez envie de vous en aller avec Fabien, avec Marie-Hélène? Est-ce que déjà un peu d'aller-retour qui ont commencé? Ben c'est ça. Ouais. En fait, on est en pleine production. Là. Exactement. Mais disons que, entre nous, à la shop, on se montre notre visuel, notre matériel. Mais tout ça va se concrétiser, je dirais, le plus lundi, là, où est-ce qu'on va être vraiment, on va tout mettre ensemble, puis on va voir si ça fonctionne. Il y a quand même une trame qu'on s'était donnée qui était c'est la tournée des régionalismes. Fait que ça nous permet d'explorer différentes régions du Québec. Il y a le petit côté road trip. Là, c'est un petit peu ça qui unifie tout ça. C'est le road trip du Québec. Ouais. Profond. Donc c'est ça permet dans le fond de se repérer sur une carte, se déplacer d'un lieu à l'autre ou d'avoir justement un pont au-delà de Fabien dans le fond qui vient lier un peu l'ensemble des textes d'un point de vue visuel dans le fond. Puis les éléments de décor aussi, tu sais, qui font référence à ça, là, ils vont des éléments de décor qui se rajoutent. Il faut voir le côté, c'est ça, le côté voyage à travers le Québec va être présent. Et j'imagine que pour vous, il y a un intérêt aussi à le présenter à quelques reprises, en fait, parce que entre la première et la deuxième soirée, déjà, vous allez pouvoir... c'est un peu une chorégraphie que vous avez monté pratiquement quand on le répète à plusieurs reprises, comme ça. Oui, exactement. Donc, il va peut-être avoir des ajustements qui vont se faire entre le premier puis le deuxième représentation. Sauf que en même temps... Je veux dire, la salle était tellement petite qu'il fallait nécessairement avoir deux soirs. Et plus, ça fait probablement. Ouais. Ben, idéalement. S'il avait été disponible, on aurait fait plus. Ah, on aurait fait plus. Mais ça se pourrait qu'il y ait d'autres représentations ailleurs. Là. On l'espère, puis la Maison de littérature aussi. Là, c'est une possibilité. Ben, déjà, de voir en fait comment ça va se passer le 1er et le 2 mars. Donc, nécessairement, si le public est au rendez-vous, si c'est apprécié. Si là. Non, mais ça s'est déjà vendu. C'est en 24 ça qui est un peu heures, bête. Ça s'est vendu. Est-ce que ça met une petite pression, comme ça, de savoir justement que les gens se déplacent en aussi vive quantité en 24 heures, OK, sold out? Et là, on se dit, OK, c'est. Oui, ils viennent pour Fabien, mais en même temps... Nous, on s'enlève de la pression en se disant qu'ils viennent pour Fabien. Mais on en a une quand même quelque part, là, tu sais. Alors, on va découvrir ça, mais en fait, on vérifie s'il reste des billets. Et sinon, en espérant qu'il y ait peut-être justement cette reprise, si ça se passe bien, le 1er et le 2 mars prochain. Ouais, super. Mais JF, Richard Valran, merci à vous deux. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et je rappelle donc, les régionalismes selon Fabien Cloutier, c'est les 1er et 2 mars du côté de la Maison de la littérature. Toujours écoute de la vie en BD à CKRL. Je vous rappelle d'ailleurs, on parlait au début de l'émission des prix BDIS Causa. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre en note tous les finalistes, je vous rappelle que vous pouvez trouver tout ça également sur mon blog, voir.ca/Raymond-Poirier. Et puisqu'on parle du festival, je mentionne aussi qu'ils ont commencé à annoncer quelques invités, quelques expositions également. Alors, ça, vous pouvez trouver ça, on a relayé sur la page Facebook, entre autres, de la vie en BD, facebook.com/la vie en BD. Vous pouvez aussi évidemment le trouver sur les pages du festival. Et c'est intéressant déjà, donc, 5 auteurs qui ont été annoncés comme présents à l'événement, donc Francis Desharnais, Meags Fitzgerald et Makina du côté québécois. Deux auteurs internationaux également, Rosinski, on imagine pour les 40 ans de Torgal, et également Étienne Davodeau. Donc, c'est les 5 auteurs qui ont été annoncés pour l'instant. Également des expositions qui ont été mises de l'avant, là, entre autres une exposition autour de l'univers de Gibi de Sampar, une exposition autour du travail de Meags Fitzgerald, une exposition sur le livre à venir de Jean Jean-Sébastien Bérubé du côté de Futuropolis. C'est comme ça je suis devenu moine, si je ne me trompe pas. Bref, donc déjà tranquillement les éléments se mettent en place, mais on annonce une édition qui pullulera en termes d'activité. Alors ce sera intéressant de suivre le développement de tout ça au fil des semaines à venir. Et puisqu'on a un petit peu de temps entre nous, parlons peut-être d'un album que j'ai eu l'occasion de recevoir tout récemment, il y a quelques semaines de ça, tome 2 de Turbo Kid en version BD, Skeletron déchaîné. Alors je voulais mentionner au passage, en fait, si vous aviez pas vu passer ça, donc c'est, je le rappelle, en fait, après la sortie du film Turbo Kid en 2015, les réalisateurs, donc Anouk Whistle, Johan Carl Whistle et François Simard, donc RKSS, souhaitaient poursuivre leur aventure en format bande dessinée. On en avait parlé d'ailleurs un peu avec Jake Dion par la suite. Ça avait mené à un premier album, un premier comic book, Turbo Kid, donc vraiment en version américaine, un peu vieille école aussi, bicouleur, donc rouge et noir à l'intérieur, page un peu journal, donc quelque chose qui, un peu comme Jake avait dit à l'époque, quelque chose qu'on devait pouvoir avoir l'impression d'avoir trouvé dans l'apocalypse, si on peut dire, là. Donc quelque chose de vieille école, donc, je pense que c'est le bon terme. Et donc le premier, donc l'aventure perdue d'Apple avait connu un beau succès. L'idée était évidemment, dans le choix des récits, de pas s'intéresser à la trame principale de Turbo Kid, mais d'aller voir un peu plus tôt autour des personnages secondaires pour étayer, étoffer, enrichir l'univers de Turbo Kid. Alors donc le premier avait connu un beau succès, c'est un album d'ailleurs fort sympathique, doublement sympathique pour ceux qui avaient vu le film, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le voir comme moi, mais ça restait quand même un comic book bien ficelé, parce que un peu comme pour Skeletron d'ailleurs, en fait, si on connaît l'univers, on rentre dans un contexte, dans un univers qu'on connaît déjà, dans des repères qu'on a déjà, on peut faire des liens. Si on ne le connaît pas, un peu comme pour l'aventure perdue d'Apple, on rentre là-dedans, on découvre un récit et on découvre qu'il fonctionne bien hors des références. Dans le cas de Skeletron, c'est essentiellement, je dirais, une histoire presque archétypale. Dans le fond, on trouve donc ce personnage-là, une espèce de robot un peu sombre, un héros qui vit essentiellement une descente aux enfers, presque, finalement va peut-être être un peu réchappé de ces enfers-là à un moment donné, parce que il va secourir une jeune fille avec qui il va se lier d'amitié, mais finalement, il va arriver des choses et la descente aux enfers va se poursuivre, je n'en dis pas plus. Mais donc, le récit, qu'on ait vu ou non le film, fonctionne bien. Par contre, il y a un effet parallèle aussi, que si on n'a pas vu le film, on lit les comics, on va nécessairement avoir envie d'éventuellement réussir à retracer ce film-là, si ce n'est déjà fait. Et si on fait un peu des comparatifs entre les deux épisodes, évidemment, les ambiances sont quand même assez distinctes aussi. Apple, dans le premier, c'était quand même un personnage qui était beaucoup plus bavard, beaucoup plus verbomoteur presque. Alors, ça faisait un épisode où il y avait plus de dialogue, plus d'accent vers les mots. Dans le cas de Skeletron, on est totalement à l'inverse. C'est peut-être aussi un choix volontaire, si on peut dire, d'aller vers deux univers qui sont quand même assez... d'un côté ambiance ou d'un côté type de personnage assez distinct. Alors on a un personnage qui est plus silencieux, qui parle plutôt dans ses gestes, dans certaines expressions et le reste, que dans ses paroles elles-mêmes. Alors ça fait une autre ambiance que le premier, donc ça vient complémenter aussi, je pense, de belle façon ce récit. Alors, en fait, si vous avez envie de voir ce que peut donner, dans le fond, un comic book à la québécoise, si vous aimez donc l'univers de Turbo Kid, c'est certain que vous êtes probablement déjà convaincu. Si vous ne connaissez pas Turbo Kid, vous avez envie quand même, vous êtes curieux de voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire autour de ça, ou justement dans l'esprit comic book québécois, mais ça peut également représenter un intérêt de votre côté. Le dessin de Jake Dion qui reste fort solide de ce côté-là aussi, vraiment avec, justement, on joue bien avec, je pense, les ombres, les scènes, avec l'utilisation du rouge aussi. Alors, ça fait un rendu qui est réussi, un bon rythme. Alors, dans le registre comic book, je pense que ça peut valoir la peine. Alors, ça s'appelle, donc... je retrouve mon titre. Skeletron déchaîné, donc Turbo Kid, c'est chez le studio Lunac. Et je vous rappelle que c'est toujours la formation Glitch Dealers avec la trame sonore d'Armored Gear qui nous accompagne cette semaine, toujours à saveur 8 bits ici à la vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 comme d'habitude pour parler 9e art. Et ben, chaque année, il y a toujours des anniversaires qu'on aime bien souligner. Et cette année, ben, c'est le 10e anniversaire de Front Froid, donc une organisation qui est dédiée à la sphère de la BD de genre, qui a connu une belle évolution, je pense, au fil des 10 dernières années. Et on avait envie d'en jaser avec l'un des initiateurs justement de cet organisme. Il est avec nous au bout du fil, Julien Paris-Sorel. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, si on fait des présentations là, pour ceux qui ne connaissent pas, Front Froid, c'est un peu une action tripartite en fait. D'un côté, c'est dédié à la BD de genre. On parle d'animation, et spectacles et autres qui sont portés un peu par l'organisme. Il y a un volet édition de collectif BD et il y a un volet édition BD qui s'est rajouté également. Oui, exactement. C'est une belle grosse bébite qui s'est rajouté des tentacules avec les années. Dans le fond, Front Froid, c'est un organisme à but non lucratif, il faut le dire, qui a été fondé en 2007 par Gauthier Langevin et Olivier Carpentier. Donc, c'est eux les deux pères fondateurs. Puis, à la base, il y avait la publication annuelle du collectif de bande dessinée Le Front, qui a eu 8 éditions, il faut le dire. Et parallèlement à ça, il s'est développé tout un volet éducatif, donc des ateliers, de l'impro BD, du dessin en direct, des conférences pour démocratiser le médium, faire connaître la bande dessinée au public. Et au cours des années aussi, il y a eu la collection Anticyclone, qui ça, c'était des albums, en fait, c'est des albums solo. Donc, un auteur, un album, une longue histoire. Et on fait, à travers les années, on a fait des expos, on a fait des événements, on a collaboré souvent avec le Festival de bande dessinée francophone de Québec, d'ailleurs, pour plusieurs événements. Donc c'est vraiment une action variée. Et en fait, est-ce que au départ, parce que il me semble au départ, c'est vraiment le recueil qui était au cœur de Front Froid. Là. Exactement. À la base, c'était même, si on revient avant le collectif Le Front, c'était un forum. Moi, c'est comme ça que j'ai connu l'organisme. C'était un forum de discussion pour des gens intéressés par la bande dessinée de genre. Donc la littérature de genre, littérature de l'imaginaire, on pense à western, fantastique, science-fiction, polar, horreur par exemple. Et donc c'était des gens qui discutaient du médium, qui discutaient du milieu de la bande dessinée québécoise. Ils se sont dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet? Et de là est née l'idée de faire un collectif qui était basé sur un système démocratique. Donc c'est-à-dire que tout le monde pouvait soumettre un projet. Et c'était les membres de l'organisme, encore une fois, tout le monde pouvait devenir membre, qui votaient pour les projets qui étaient sélectionnés et qui allaient être publiés dans le recueil annuel. Donc ça, c'est un système qui a eu lieu pendant les 8 premières années avec le collectif du Front. Et en fait, dans les dernières années, si on reste sur le collectif, peut-être un peu justement, il a été un peu remplacé parce que l'an dernier, vous avez sorti un autre type de collectif réservoir. Parce que les collectifs Le Front, comme tu disais, c'est voté par les membres, donc il n'y avait pas de fil directeur, c'était des BD proposés dans le réservoir. Au contraire, là, on y va avec vraiment une ligne directrice claire qui est fournie aux auteurs participants. Oui, exactement. Dans le fond, ça a toujours été la ligne directrice, c'est bande dessinée de genre. C'était des courts récits là, entre 10 et 20 pages environ. Au début, le front, c'était... En fait, tous les fronts sont en noir et blanc. Puis cette année, l'équipe, parce qu'il faut le dire, c'est géré par des bénévoles. Donc, c'est un système de conseil d'administration assez classique qui est voté à chaque année à l'Assemblée générale annuelle. Donc, ce comité-là sentait qu'il y avait un peu du surplace qui se faisait au niveau du collectif du front. Donc, on a eu l'idée de se lancer dans un peu une version du front, mais bonifiée à un autre niveau. Donc, on est arrivé avec une ligne éditoriale un petit peu plus dirigée, c'est-à-dire thématique. Donc, on est allé avec le cyberpunk pour un premier collectif réservoir. Et aussi, c'était couleur. Donc, cette fois-ci, vraiment, on est allé à fond, toute la bande dessinée est en couleur. Et j'ai l'impression, en fait, autant pour le front que pour réservoir, les collectifs ont une bonne importance pour la relève en BD parce qu'il y a peu, hors des albums puis hors du web, il y a peu d'opportunités. Surtout à l'époque, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant d'opportunités pour être publié. Aujourd'hui, il y a Planche, il y a Zidara 9, il y a quelques publications comme ça d'éditeurs, de micro-éditeurs, d'éditeurs indépendants, mais il y a 10 ans, il y en avait beaucoup moins, là. Oui, exactement. Puis en plus, les blogs BD n'étaient pas autant développés que maintenant. Donc, des occasions comme ça de collectifs pour se faire connaître, se faire publier son travail, Faire ses premières armes aussi, c'est sûr que c'était quelque chose de particulier, c'était une chance. Puis d'ailleurs, ben il y a plusieurs auteurs maintenant reconnus, autant par le lectorat que par ses pairs, des auteurs professionnels qui ont commencé dans le front. Je pense à Fred Jourdain qui a fait Le Dragon Bleu, Michel Falardeau qui a fait French Kiss 1986, qui d'autre, Jake Dion qui fait maintenant la bande dessinée d'Amos d'Aragon puis Turbo Kid, donc Olivier Carpentier qui fait la série Far Out. Donc c'est ça, il y a vraiment beaucoup de gens. Puis moi, je m'inclus là-dedans aussi. J'ai commencé à publier dans le front numéro 4 et 5 avec Olivier Jobin comme scénariste. Donc, il y a Caroline Brault aussi, un autre exemple, qui avait publié une prémisse de Hiver nucléaire qui est devenue maintenant un peu notre série phare dans la collection Anticyclone. Et quel impact ça peut avoir justement sur une carrière, dans le fond, quand on a une opportunité de publication dans un recueil, quelle importance ça peut avoir justement de pouvoir être publié comme ça dans un, est-ce que c'est d'abord pour se faire remarquer? Est-ce que si on va déposer des projets ou qu'on sollicite des bourses, ça fait aussi une différence? Oui, je pense que c'est notable pour, comme tu dis, le CV. Mais, entre guillemets, sauf que c'est vraiment une question d'expérience. En bande dessinée, c'est à force d'en faire qu'on apprend le médium, qu'on s'améliore en tant qu'artiste, en tant qu'auteur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, les courtes histoires, les courts récits en BD comme ça qui étaient préconisés dans le front, ben ça permet de se lancer dans un projet, mais pas nécessairement de faire une première BD de 100 pages. Souvent, pour les jeunes auteurs émergents, mais moi, je pense que toujours mieux de commencer avec des plus petits projets, une BD de 10 pages, 20 pages, et là, on augmente comme ça, c'est plus progressif, puis ça nous permet d'avoir du recul sur chaque projet, d'en commencer un, d'en finir un, puis de rebondir sur une nouveauté. Donc, je pense aussi que ça crée un effet de rassemblement. Donc, par exemple, les gens qui publiaient dans le front étaient invités depuis tout début à faire la tournée des événements, que ce soit des salons du livre au Québec ou des festivals de bande dessinée aussi. Donc, ça crée une communauté de tripeux de bande dessinée, des jeunes auteurs qui avaient souvent les mêmes intérêts, étant donné que c'est de la bande dessinée de genre. Donc, ça a permis de créer une communauté, autant de scénaristes, de dessinateurs, de penseurs de la bande dessinée, finalement. Et tu mentionnes Julien Paris-Sorel, justement, la bande dessinée de genre comme vecteur aussi. Ça fait quelques occasions qu'on en parle. Je me demandais, en fait, qu'est-ce qui avait amené au départ à dire, bon, OK, c'est ce créneau-là qu'on va tenter d'occuper. Est-ce que 10 ans, on jugeait que c'était pas un créneau qui était suffisamment représenté en BD? Ben, je peux pas parler pour les fondateurs, mais je me rappelle de discussions qu'on a eues qu'à l'époque, la bande dessinée de genre occupait pas vraiment beaucoup de place dans le paysage de la bande dessinée québécoise. Si ma mémoire est bonne, il y avait l'excellente collection Rotor, je crois que c'était aux 400 coups, qui publiait de la bande dessinée de genre, mais après ça, tu avais évidemment des petits projets d'auto-édition, mais tu n'avais pas de maison d'édition spécialisée. Alors que la bande dessinée plus intimiste, l'autobiographie, avait quand même un petit peu plus de place. Il y avait déjà la pastèque, il y avait Mécanique Générale qui était là pour publier ce type de bande dessinée là. Donc je pense que Fronfroid a comme pris une place qui lui était réservée pour donner justement un rayonnement aux auteurs qui pratiquaient ce type de récit là. Oui, dans la mesure où fait au Québec, c'est un peu paradoxal où la BD qui est plus, si on permet l'anglicisme, plus mainstream à certains égards, c'est une bande dessinée qui serait plus underground dans d'autres milieux, à défaut de termes francophones, tandis qu'une BD qu'on qualifierait plus de populaire, donc apparentée par exemple aux comics américains, à l'univers horrifique, science-fiction, ben ici c'est la bande dessinée qui, d'un point de vue créateur francophone, on s'entend, une création québécoise, pas ce qui se retrouve aux États-Unis, c'est un peu ce qui est relégué à l'underground à l'époque et encore un peu aujourd'hui quand même aussi. Oui, non, je comprends tout à fait. En fait, ce qui arrive, c'est que parfois, moi, ce que j'ai rencontré, c'est une certaine forme de, de préjugé envers la bande dessinée de genre. Mais quand on s'y attarde, moi, avec les années, bon, en lisant toutes sortes de mangas ou de comic book états-uniens ou même de la BD franco-belge de genre, finalement, ça devient une trame. C'est-à-dire que les propos peuvent être très, très articulés, très profonds, très dramatiques, très matures, mais c'est dans des contextes plus imaginaires. Mm-hmm. Donc, ils sont moins rattachés à la reliée, mais qui sont moins attachés à la réalité, pardon, mais qui sont tout aussi pertinents puis songés qu'une bande dessinée qui pourrait parler purement de la réalité. Oui, puis on le voit bien à travers. C'est toujours de la bande dessinée de fiction, même lorsqu'on fait de l'autobiographie, je pense. Le fait de faire le montage des idées puis des, la séquence, ça devient de la fiction. Oui, ben en fait, l'idée de genre, c'est qu'on intègre dans le fond des éléments liés à la science-fiction, liés au fantastique, liés à l'horreur, dans des choses qui sont pas réalistes dans le contexte du vécu, mais qui en même temps, comme tu dis, on peut parler aussi de BD d'anticipation, on peut parler de BD très politique. Et d'ailleurs, en fait, ce qui a été proposé au fil des années via Anticyclone et Luce Bien, donc entre Ton Léthéonie, Julien Paré-Sorel, entre La Petite Révolution de Boom ou encore L'Hiver nucléaire de Cab, il y a quand même plusieurs pans liés à la bande dessinée de genre qui montrent les différents types de possibles aussi qu'on peut proposer. Là. Oui, absolument. Moi, je me rappelle de certaines bandes dessinées qu'il y avait dans les collectifs Le Front qui parlaient du suicide, de la dépression. Il y en a qui parlaient aussi de l'intelligence artificielle. Moi, je me rappelle, j'avais traité d'une histoire dans Le Front 5 très fantastique, médiévale, mais qui, dans le fond, le sujet, c'était le thème des enfants soldats. Bon, je te prends des exemples un peu lourds, mais c'est pour montrer qu'on peut avoir des sujets assez sérieux. Puis il y a des BD aussi qui sans aucune prétention, que c'est purement du genre pour en mettre plein la vue, puis c'est un beau délire, puis c'est tout aussi délicieux, là. Il n'y a pas simplement des différences. Et entre, donc, dans ton cas, tes débuts du côté du Front 4 et l'étape où on s'est lancé un peu dans l'édition, est-ce qu'on a eu l'impression à un moment donné, justement, que le travail qu'on avait fait avec les recueils portait fruit, qu'il y avait plus d'ouverture, justement, plus de sensibilité qui avait été développée avec la BD de genre et qu'on s'est dit, bon, OK, là, c'est le moment de casser un peu la structure des 10-20 pages et d'aller vers des albums complets? Oui, tout à fait. Bien, il y a plusieurs moments, plusieurs facteurs. D'abord, comme je disais tantôt, il y a eu une communauté qui s'est rassemblée, puis on sentait qu'on avait une belle gang qui était prête à faire de la bande dessinée de genre, puis qu'il y avait peut-être plus de récits à proposer. Ensuite de ça, bon, on avait eu, je me rappelle, une bourse, en fait, c'était une subvention. Je pense que c'était le Conseil des arts du Québec ou de Montréal. Et ben on avait des projets qu'on voyait tranquillement circuler sur le web et des auteurs qu'on sentait qu'ils travaillaient sur des projets à plus longue haleine. Et on s'est dit, ben là, on va leur proposer. Ça a été comme un parfait timing. Puis là, ben ça, il y avait eu un genre de projet, le premier projet test avec Jake Dion et Meute à Golden Gate. Donc un format justement, un livre, une histoire. Après ça, il y a eu La Petite Révolution. Moi, j'ai eu l'occasion de faire Léthéonie. Ensuite, L'Hiver nucléaire est embarqué. Et là, il y a le prochain Anticyclone qui s'en vient, là, justement, qu'on va lancer en avril à Québec. Et justement, dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'il y avait déjà, en fait, une structure de distribution qui était implantée avec les recueils Le Front, où c'était beaucoup vendu, justement, dans les salons du livre, festivals et le reste? Est-ce qu'il a fallu, avec Anticyclone, justement, bâtir aussi une structure de distribution plus formelle pour Front Froid? Oui, ça, c'est une très bonne question, puis c'est drôle parce que tu parles de ça, puis ça me rappelle des bons souvenirs. Quand on a débuté, ben on faisait de la consignation en librairie. Donc, on faisait notre tournée deux ou trois fois par année dans toutes les librairies ben, Montréal et les alentours. Puis après ça, quand on allait dans différents festivals ou salons du livre en région, on essayait de trouver les librairies qui pouvaient être intéressées pour faire un petit partenariat, en gros, tenir quelques livres, une réserve de livres. Mais ça passait direct avec nous. Pour ceux qui sont pas familiers peut-être avec la consignation, c'est qu'il y a pas de, c'est pas le distributeur qui apporte les livres à la librairie, mais c'est bien l'éditeur qui fait affaire directement avec le libraire. Tout le milieu du fanzina souvent est basé sur cette structure-là pour la diffusion en librairie. Et à un certain moment, on avait beaucoup de collectifs, je crois. La Petite Révolution était sortie, si je me rappelle bien, et là, on s'est dit, bon, on a de la difficulté à gérer nos stocks, on commence à avoir beaucoup de livres, puis c'était pas toujours évident, parce que, bon, chaque libraire a sa façon de faire, pour la gestion de tout ça. Et puis, on n'arrivait plus, finalement, à gérer le truc. On a fait nos calculs, puis on est passé avec la boîte de diffusion pour la distribution. Ou je pense qu'il y avait peut-être un autre distributeur avant, le premier, mais j'avoue que là, ça, une petite perte de mémoire. Donc, c'est devenu un peu nécessaire en disant, bah, regarde, on n'a plus le temps de travailler, on est trop là-dedans, on perd un peu le fil. Alors, c'est un peu de passer à une prochaine étape, dans le fond, de continuer, je dirais pas à se professionnaliser, mais presque, d'une certaine manière, donc à passer d'auto-éditeur à un micro-éditeur, si on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça qui est beau dans le phénomène Front Froid, c'est que autant les artistes qui ont commencé à publier dans les collectifs, qui ont développé des projets d'albums, qui continue d'en développer maintenant, l'équipe aussi derrière tout ça, le conseil d'administration, a appris à travers les années. puis c'est professionnalisé en même temps que les auteurs dans la création, l'édition, la promotion, puis la distribution, la diffusion du travail des artistes. Donc, c'est comme fait de pair. Et au niveau, en fait, des projets anticyclones, dans le fond, tu mentionnais tantôt qu'il y avait eu des bourses, bon, le reste, mais dans le fond, c'était aussi, je me rappelle avoir vu des appels de dossiers passer, donc c'était un peu au départ un fonctionnement qui était en partie similaire aux appels de projets du front. Oui, en fait, c'était encore un système de concours. Par contre, c'était pas les membres qui votaient, c'était un comité de jury, un comité de sélection, donc qui était formé de l'éditeur, un libraire, un chroniqueur spécialisé en bande dessinée, un auteur un peu plus chevronné. Donc, on gardait cet aspect ouvert à tous, mais là, on voulait avoir peut-être un petit peu plus de poids dans la balance décisionnelle par rapport à la sélection du projet. Oui, surtout qu'il y avait quand même pas mal d'affaires en jeu, dans la mesure où là, si on parle d'un livre, une histoire, on veut aussi, t'sais, pas nécessairement seulement sortir le livre, mais également le vendre, en fait, pour ouais, réussir à faire une bonne percée. Là. Disons qu'il y a un petit peu plus une plus grande prise de risque dans l'idée de publier un album, parce que dans un collectif, ben il y en a pour tous les goûts, souvent, tous les styles, autant narratifs que graphiques. Donc, la plupart du temps, quand tu as 5-6 histoires dans le même bouquin, tu vas en aimer, je sais pas moi, 4/5, quelque chose comme ça. Mais là, un album solo, ben, c'est le travail d'un seul artiste, donc évidemment, il y a un petit peu plus de risque. Le projecteur est sur l'œuvre en entier. Mais en même temps, c'était l'étape logique, parce que je me rappelle que, par exemple, la Pastèque, à ses débuts, faisait des collectifs. Mm-hmm. Et c'est une belle façon de faire connaître des auteurs qui ensuite ont commencé à publier des albums solo. Et donc, depuis le départ d'Anticyclone, on parle à peu près d'une production, une publication par année dans ce contexte-là, avec un recueil aussi. Est-ce que c'est le rythme de croisière qu'on a choisi à moyen terme, ou est-ce que rapidement, on va vouloir essayer de continuer à amplifier le travail d'édition? Bien, présentement, c'est ça, là. Un collectif, un album solo, donc un ou deux bouquins par année, c'est pas mal notre rythme de croisière, étant donné que c'est géré par des bénévoles. Puis qu'on veut justement bien faire les choses, on veut pas aller trop vite, on veut bien prendre soin, bien encadrer les auteurs qui sont chez nous. Donc on veut pas trop en faire. C'est sûr que si on a des projets qui nous sont présentés, puis qu'on peut pas refuser, par exemple, là peut-être qu'on pourrait voir d'autres possibilités, mais pour l'instant, c'est le rythme de croisant qu'on veut maintenir, puis qu'on veut continuer de garder. Puis ça ouvre la porte aussi à des projets d'autres formes ou d'autres styles, parce que entre le collectif et l'album classique, si on peut dire, avec un auteur, il y a eu un projet, par exemple, un peu plus hors norme, comme La Ligne Rouge, où là, Front Froid a décidé de recréer, dans le fond, l'esprit d'un studio à l'américaine, avec scénariste, encreur, dessinateur, etc. D'abord dans un projet journal qui est devenu par la suite un projet album. C'est vrai, j'avais comme oublié ce projet-là, puis en plus, j'ai travaillé là-dessus. Ça, c'est un projet spécial, puis c'est ça qui est intéressant avec Front Froid. Par sa nature, organisme à but non lucratif, c'est un éditeur, mais en même temps, c'est un organisme qui peut faire différents types de projets. Donc, un mélange qui a donné naissance à ce projet-là de La Ligne Rouge, on avait approché le journal Métro, parce que ça nous manquait un peu la bande dessinée dans les journaux. Je regardais le journal dernièrement. Il y a encore des comic strips, mais la majorité, c'est des traductions de bandes dessinées américaines. Donc, il n'y a pas tant de matériel original québécois intéressant dans les journaux. Je sais qu'il y en a quelques-uns, là, mais... Donc, c'est ça. C'est assez rare de voir ça, 5 créateurs pour le même projet au Québec. On voit beaucoup ça en Asie. Des fois, il y a tellement de spécialisations. Il y en a qui vont, par exemple, dessiner seulement des voitures, ou juste des personnages. Il y en a qui sont très, très spécialisés. Aux États-Unis aussi, c'est beaucoup vu, crayonné, encreur, le coloriste, l'auteur, celui qui fait les textes, les bulles. Mais au Québec, c'est plus rare. 2 scénaristes, un qui fait le découpage, un encreur, un coloriste. J'ai rarement vu ça dans ma mémoire, là. Et ça a donné un projet, dans le fond, d'abord journal, ensuite papier. Donc, à un moment donné, c'est un peu à la suite des publications dans le journal qu'on s'est dit, bon, OK, on va faire la sortie en album également, ou au départ, c'était un peu dans l'idée d'explorer les deux types de publications? Je pense que l'idée était là depuis le début, là, depuis la base du projet, de pré-publier dans le journal Métro à raison de 2 strips par semaine. Je crois que c'était le lundi puis le jeudi. les aventures de la ligne rouge, la petite famille, les amis qui sont perdus dans cette ligne fantastique-là, puis qui essaient de se retrouver un peu, un genre de récit surréaliste, une Alice au Pays des Merveilles contemporaine à Montréal, finalement. Et lorsqu'on avait, je pense qu'on a réalisé une quarantaine ou cinquantaine de strips, puis à la fin, ben, c'était diffusé aussi, il faut le dire, directement sur Internet le lendemain de la publication de papier journal. Mais après tout ça, on s'est dit, ben, on a tellement de matériel, on aimerait garder ça un peu dans la mémoire. Donc, on s'est dit, on va le publier, on va tout compiler, puis on en a profité pour ajouter un épisode bonus, des croquis de recherche. On a fait aussi une carte, la ligne rouge. Donc, ça a été un autre album anticyclone, mais qui est comme à mi-chemin entre le collectif et l'album solo, étant donné qu'on est une équipe, mais que c'est une seule histoire. Oui, exactement. C'est plus un album coopératif, d'une certaine manière. Oui. Et à travers ça aussi, on l'a mentionné au départ, en fait, je cherche qu'on en parle aussi, parce que, dans le fond, Fronfroid est très actif au niveau des animations, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu une valeur ajoutée que vous avez développée rapidement, notamment pour les salons du livre, les événements, le créneau scolaire aussi, donc de dire, ben oui, on a des albums, oui, on écrit, mais également, on est capable de faire des combats de dessin, de l'impro BD, des animations. Est-ce que c'est venu rapidement, ce volet-là, en disant, ben OK, il faut avoir cette valeur-là de plus, ce bonus-là? Moi, je me rappelle quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à m'impliquer dans l'organisme, on était à la troisième année de Fronfroid, puis il y avait déjà des ateliers qui étaient proposés au public, au milieu scolaire, au milieu des bibliothèques, donc des ateliers, des conférences sur la bande dessinée, autant pour les jeunes que les adultes, pour les bibliothécaires, pour vraiment la volonté, c'était de démocratiser le médium, donc de faire connaître toutes les étapes, comment on fait une bande dessinée. Après ça, ça a évolué beaucoup. Il y en a toujours eu. Puis on a développé une expertise, si je peux dire, en dessin en direct. Donc on a des dessinateurs dans l'équipe qui sont très à l'aise de dessiner devant le public, mais qui sont capables de réaliser des jolis dessins rapidement. Donc là, on s'est amusé à développer toutes sortes de formules, que ce soit les fameux combats de personnages entre deux dessinateurs qu'on fait depuis des années. Maintenant qu'on avait d'ailleurs bien popularisé à Québec dans un des festivals il y a, je pense, 4 ans déjà. Et ensuite, BD Exquise, avec justement la Ligue d'improvisation québécoise d'impro BD, plusieurs dessinateurs de Fronfroid ont commencé à collaborer, à jouer dans des équipes ou des spectacles, des matchs spéciaux. De notre côté, on est plus basé à Montréal, donc on a commencé à développer en collaboration avec la Ligue d'autres spectacles d'impro BD en sol montréalais. Puis ben maintenant, ça devient un peu, une offre habituelle. Donc, si on est dans un événement, ben on peut offrir des animations de ce genre-là. Et parlant d'événements aussi, en terminant, Julien Paris-Sorel, sur le fil Facebook de Fronfroid ces derniers jours, en fait, il y a un petit teaser qui a commencé à circuler, donc, pour le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Vous préparez quelques éléments en lien avec les 10 ans. Alors, sans nécessairement brûler des punchs officiels, mais dans le fond, à quoi on s'attend du côté du 10 ans de Fronfroid, tant pour Québec que pour Montréal, parce que j'imagine qu'il va y avoir des choses un peu partout, là. Oui, mais là, on vient de faire un party événement Fronfroid à Montréal. Là, ce qui s'en vient, le prochain gros party, c'est à Québec. C'est dans le cadre du Festival de BD francophone de Québec. Donc, ça va être le jeudi 6 avril à Lanty. Donc, la salle de spectacle, bar, j'ai pas l'adresse sous la main, mais les gens se connaissent sûrement, Lanty. Donc, on fait un gros party en soirée et on va en profiter pour faire plusieurs choses. Premièrement, célébrer les 10 ans. Inviter les gens à dessiner avec nous sur des grands panneaux. Donc, la majorité des artistes de Fronfroid sont invités et seront là pour dessiner avec le public. Ensuite de ça, on va lancer notre nouveauté anticyclone. Donc, je peux vous dire le titre, c'est Le Seigneur de Saint-Roch, scénarisé par Francis Desharnais et dessiné par Valmont, Valérie Morancy. Deux artistes, je ne sais pas s'ils sont natifs de Québec, mais je sais qu'ils ont habité très longtemps à Québec. Et le récit se déroule, comme vous l'aurez deviné, à Saint-Roch. Regardez bien sur les réseaux de Fronfroid dans les prochains jours. On va mettre la couverture. Il va y avoir aussi une petite vidéo pour montrer des images des personnages. Donc, je pense que ça va être vraiment excitant. Moi, j'ai pas mal hâte de voir ça sortir. Je pense qu'il va avoir, je pense que les gens vont beaucoup aimer. Donc, il va y avoir le lancement durant cette soirée-là en formule 7-9. Et ensuite de ça, il y a le band Lesbo-Vrouen, une des formations de Sam Murdoch, un gars de Québec, qui va être là pour jouer live. Puis, il m'a dit de dire qu'il allait en profiter pour lancer la version 11e anniversaire de leur premier album. Cool. Qui s'appelle « Je reviens, Geneviève ». Donc, et pendant qu'ils vont jouer, il va y avoir plusieurs artistes de Fronfroy qui vont dessiner en direct et ça va être projeté sur scène. Donc, ça va être vraiment un gros party, puis tout le monde est bienvenu. Alors, sans réserve, donc notre jeudi 6 avril dans le cadre du festival, donc du côté de l'Anti à partir de 19h et dans le fond, on campe là jusqu'à tard le soir. C'est ça. Exactement. Donc, on lance l'invitation et d'ici à ce qu'on se voit de visu, pour se souhaiter, Julien Paris-Sorel, bon 10 ans pour Fronfroy. Merci beaucoup, Raymond. Et au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, c'était Julien Paris-Sorel, donc l'un des membres de Fronfroy. On soulignait donc les 10 ans de ce collectif. Et nous, c'est terminé pour La Vie en BD. On se retrouve la semaine prochaine. Edgar Hudon sera avec nous pour parler de chasse. Xavier Cadieux pour les 500 premiers Cadieux et plus. Alors, c'est un rendez-vous. Et d'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1.